écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut, salut, salut, vous écoutez Sous Pression, c'est une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse à chaque semaine à partir du souspressionpunk.com et aussi à la radio Ottawa CHU 89.1 FM, Yellowknife CVR 103.5 FM et Iqaluit 107.3 FM CFRT. Moi, je m'appelle bien sûr, comme à chaque semaine, je m'appelle Mathieu et je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français pendant 60 minutes. Alors, ça va être une bonne émission cette semaine. J'ai des nouveautés à vous faire jouer. J'ai du nouveau stock de Défaillance, un groupe québécois qui vient tout juste de sortir un album. Je sais pas s'il est vraiment officiellement sorti, là, parce qu'on m'a envoyé une copie un peu, t'sais, promotionnelle. Et l'album s'appelle Rouge Carnage. Je vais vous faire jouer un morceau un peu plus tard dans l'émission. Je vais aussi vous faire jouer un morceau par un groupe que j'ai découvert cette semaine qui s'appelle Chaviré. Ça, c'est excellent. Je vais vous faire jouer ça un peu plus tard. Mais entre-temps, je vais vous faire jouer quelque chose de qui date de plus longtemps que ça, de presque 25 ans environ, de Lyon, Homeboys Le Gang. Je vais vous faire jouer le morceau L'Ange des Maudits. Alors, voici Homeboys Le Gang sous pression. Love her, you love her, but I'm a Au Canada en 1906, McLaren est en grève. Rejoignent les internationales pour avoir leur peau de leurs dirigeants. McLaren est en grève, rejoint les internationales. Réduction des heures de travail, menace du chômage, exploitation et le chantage. L'Outaouais est en guerre contre la misère, perso des luttes ouvrières. Décidèrent de se syndiquer pour le salaire, les droits et la liberté. Ils étaient prêts à se rebeller quand ils vont fermer la production. Devant chaque la révolution, quand la famille et les citoyens se sont levés, le cœur de la vie s'est un coup enflammé. Dans les rues, bagarre. voix américaine. Nous sommes prêts pour de belles soirées. Voix dans les gueules, coups dans les comptes. On va pas se laisser faire dans ces salons. Ta gueule dans les rues. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. Dans le dernier bloc, on a écouté quatre excellentes chansons. On a commencé avec Zone Boys, le gang, du démo sorti, je pense, à comme 91-92, quelque chose de même. C'était le morceau L'Ange des Maudits, du Motor Riot, après ça, avec le morceau Chasseur d'Ouvriers. Histoire intéressante, le groupe Motor Riot, cette chanson-là, Chasseur d'Ouvriers, a été écrite, les paroles, par un camarade de l'Outaouais. Et c'est ça. Alors c'est juste ça. Ça parle de l'histoire d'une grève qui a eu lieu en Outaouais en 1906 où la milice a été appelée et bien sûr il y a eu des morts parce que quand on appelle la milice, c'est jamais le résultat est jamais positif. Il y a eu des morts, des ouvriers ont été tués, assassinés par la milice pendant la grève. Et cette chanson parle de ça. Défaillance après ça de leur nouvel album Rouge Carnage, c'était le morceau Bat à clous. Défaillance, un groupe du Saguenay qui ont sorti ça, je pense. Défaillance, ça fait une couple d'années qu'ils existent. Ils ont plusieurs couple de deux autres albums, deux EP. Alors non, c'est bon, c'est du c'est très c'est du street punk direct et c'est juste ça. C'est bon, c'est excellent, c'est vite, c'est agressif et c'est ça. Bon album, je suis certain qu'une fois que ça va sortir de façon officielle que vous allez aimer ça parce que ça vaut la peine de le checker si vous pouvez. En tout cas, après Défaillance du Gerbia de l'album Pilado au bûcher, c'est le morceau Ferme ta gueule. Je continue maintenant avec du Chaviré, un groupe de Nantes que j'ai découvert pas trop il y a pas trop longtemps. Le groupe a sorti un démo au mois de janvier. C'est le démo éponyme. Alors c'est ça, je vais faire jouer ça. Nantes, un groupe un peu de... Chaviré, comme je disais, un groupe de Nantes. Ils se décrivent comme du emo punk hardcore, quelque chose de même. Mais c'est bon, et je vais faire jouer le morceau La Commune, tiré de leur démo. Alors voici Chaviré. Mmh. vient d'écouter du Octoplut de l'album Pansement. C'était le morceau Fuir. Le premier morceau de cet album-là. Nous étions avant ça de l'album La Manière Noire. C'était le morceau Les Algorithmes du Malheur. Et on a commencé avec du Chaviré, un groupe de Nantes qui a sorti plus tôt cette année un démo. C'était le morceau La Commune. Alors, on est rendu plus ou moins mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle à cette heure-ci, à chaque semaine, comme la tradition le dicte, que Souspression, un site web, et bien sûr, le Souspression, un site web, parce que vous écoutez peut-être ou même probablement à partir du site web. Mais si vous êtes, si vous écoutez à la radio, allez checker souspressionpunk.com. Vous pouvez voir ce qui se passe à l'émission, la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Ainsi que, bien sûr, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. C'est toujours fun d'écouter ça quand vous voulez. Et c'est ça, on a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/sous-pression. Alors vous pouvez aimer l'émission si vous êtes sur Facebook. Et si vous voulez me contacter directement par courriel, ben vous pouvez faire à partir du site web et à partir du Facebook. Mais si vous pouvez le faire par courriel au info@commercialsouspressionpunk.com, si vous avez des demandes spéciales, commentaires, vous voulez partager la musique, je sais pas, n'importe quoi, envoyez-moi un message, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Alors c'est ça, je continue en musique avec le bloc Sono Mondial, moment où je fais jouer deux chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Je vais vous faire jouer cette semaine un groupe cubain, alors un groupe de punk du Cuba, a sorti un album. Je vais faire jouer deux morceaux de un album qui sort en 2002, c'est le groupe Escoria. Je vais jouer le morceau Eres Tú et Asquerosa Canción de Amor. Le groupe Escoria, je les ai découverts parce que j'écoutais un podcast américain qui parlait du punk cubain. C'est intéressant, ou en tout cas, d'après l'histoire qu'ils nous ont conté, ils parlaient d'un groupe de personnes qui appelaient les freaky, alors c'est-à-dire des punks, du monde qui écoute du métal, des affaires de même. Et d'après l'histoire contée dans le podcast, dans les années 90, début des années 90, quand le sida et le VIH a commencé vraiment à apparaître au Cuba, le gouvernement arrêtait les monde qui suspectait de peut-être être séropositif. Ils faisaient faire des tests, et si les personnes étaient séropositifs, l'armée les envoyait dans un hôpital. D'après l'histoire qu'ils ont conté, ce qui se passait dans l'hôpital, c'est que l'armée gérait l'hôpital premièrement, mais après un bout de temps, l'armée a quitté et laisser le contrôle de l'hôpital à des médecins un peu moins stricts, un peu moins sévères. Et les médecins ont permis aux gens à l'hôpital d'écouter de la musique, leur propre musique. Et dans le temps, c'était interdit d'écouter du rock and roll, du punk, du grunge de l'Ouest, là, à l'extérieur du Cuba. Alors, ce qui se passait dans les hôpitaux, c'était que Les gens qui étaient séropositifs, c'était des gens marginalisés. Alors, parmi eux, t'avais les freaky, les punks, les métalleux. Alors, ce qui se passait dans les hôpitaux, c'est que le monde écoutait du punk, écoutait du métal, et cette musique-là, ça s'entendait pas ailleurs dans le pays ou très rarement. Alors, ici, ça devient intéressant. D'après l'histoire, ont appris qu'il y avait un peu plus de liberté dans les hôpitaux, alors ils ont commencé à s'infecter avec le virus du VIH, surtout une auto-infection, ils commencent à s'injecter avec du sang, je sais pas, ou partager des affaires, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment. Et le nombre de personnes séropositives dans le pays a augmenté, et c'était un peu une espèce de mode dans le temps parmi les jeunes marginalisés. Bien sûr, la mode a pris fin une fois que les gens ont commencé à mourir. Mais en tout cas, c'est ça l'histoire un peu incroyable que j'ai entendue sur l'Internet. Et si c'est sur l'Internet, c'est certain que ça doit être vrai. Alors, en tout cas, c'est comme ça que j'ai découvert le groupe Escoria. Je vais vous faire jouer deux de leurs chansons. Alors, c'est ça, du Escoria, punk du Cuba, ici à Sous Pression. Peso a tu propia cruz. que te impulsó si va de un señor que promete paz y avance entre lujo y corrupción. No importa que estés en contra de la guerra de matar, ellos te dan dos opciones, siempre todo que te dan. Alors, c'était ça, du Escorial, c'est à ça que ça ressemble, du punk cubain. C'était ça, Escorial, le morceau RS2 et Asquerosa, Canción de Amor. Je continue avec du Jonas Apatride de l'album La Victoire Sommeil, le morceau Destruction. Oh, mon père, qu'as-tu à gueuler? À ma mère, là, ma mère, qu'as-tu à crier? À mon père, là, mon père, qu'as-tu à gueuler? À ma mère, là, ma mère, qu'as-tu à crier? La la la la la. Alors, c'était du dur cœur de leur EP éponyme, sorti en 2014. C'était le morceau Ville Froide du Critical Convictions, avant ça, de leur album Division, ou Divisions, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. C'était le morceau Assimilation, Coupe-Gorge, avant avec Ayn, de leur démo qui est sorti un peu plus tôt cette année. Coupe-Gorge, vraiment excellent groupe de hardcore. J'espère qu'ils vont nous écrire d'autres du nouveau matériel et le sortir parce que c'est vraiment bon. Say You're Sorry, avant ça, de leur album So They Deserve, c'était le morceau Fromage. Say You're Sorry, c'est un groupe d'amis qui, quand j'étais au secondaire, qui ont fait cette cassette-là. Amnésie, avec le morceau Héritage de l'album Grabuge du Athéna. Et je pense que c'est la première fois que je fais jouer du Athéna. Morceau Prémontant de leur album Mononucleos. La Société et le Mauvais Haleine avant ça avec Le Meilleur des Mondes. Et La Société et le Mauvais Haleine sera à Montréal au mois d'octobre pour le Revolution Fest. Et on a commencé le bloc avec du Jeunesse Apatride, le morceau Destruction de l'album La Victoire Sommeil. Je vous laisse maintenant avec une chanson enregistrée live du groupe Désert Culturel. J'ai trouvé ça, je suis pogné un album live, leur album live en fin de semaine, et je voulais faire jouer, c'est pas souvent que je joue des chansons live à l'émission, alors j'ai décidé de faire ça. Je vais faire jouer le morceau. Écoutons, c'est quel morceau que je vais vous faire jouer? La Danse de Saint-Guy. C'est d'un album live, comme j'ai dit à plusieurs reprises, là, enregistré à Besançon en 1990. Alors voici Des Arts Culturels, le morceau La Danse de Saint-Guy. Passez une excellente semaine. Elle a permis de travailler pour pouvoir séjourner.